À l'occasion du 70e anniversaire de fondation du Centre vétérinaire et anti-épizootique, l'exposé scientifique et technique national du domaine vétérinaire et anti-épizootique a eu lieu les 9 et 10 courants au Palais des études du peuple à Pyongyang, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont pris part les scientifiques, techniciens et officiels du domaine vétérinaire et anti-épizootique de tout le pays. On y a présenté plus de 240 réalisations et expériences obtenues au cours de l'étude des méthodes pour porter à une assise technoscientifique solide les affaires vétérinaires et anti-épizootiques, le diagnostic des maladies des animaux domestiques et la production des médicaments prophylactiques. À la cérémonie de clôture, on a conféré les diplômes aux participants qui ont présenté les meilleures dissertations avant la remise des prix.